Dossier 5. Leçon 3. Évoquer des ressemblances physiques. Activité 8. Elles se ressemblent assez toutes les deux. Emma est mince comme sa sœur. Mais regarde bien, elles n'ont pas la même taille. Émilie est plus petite. D'accord, mais elles ont exactement les mêmes yeux, les mêmes cheveux bruns frisés. Oui, c'est vrai. Et elles ont toutes les deux la peau très blanche.